إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Nous continuons cette série intitulée Les étapes de l'au-delà. Et ce cours sera, inshallah ta'ala, le dernier cours de cette série. Et cette étape est l'étape du pont, appelé As-Sirat en arabe. C'est une étape qui est extrêmement importante et immense. Elle fait partie des étapes les plus importantes du jour dernier. Car durant cette étape, les gens seront amenés à traverser un pont, et cette traversée sera d'une difficulté impressionnante. Il devra être traversé tout en sachant que l'enfer se trouvera juste en dessous. Ce pont sera glissant et il sera aussi tranchant qu'une épée. De part et d'autre, de ce pont, il y aura des crochets, il y aura des épines à qui on leur donnera de blesser, voire d'attraper et de jeter en enfer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura décidé. Le mot As-Sirat en arabe, son sens linguistique est le chemin clair et large, la voie claire et large. Sa signification en islam, c'est ce pont qui est érigé, un pont qui est établi au-dessus de l'enfer, que les gens traversent afin de se rendre au paradis. Et l'existence de ce pont est avérée dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à l'unanimité de cette communauté. Dans le livre d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa im minkum illa wariduha » Le verset 71 de sourate Maryam, dans lequel Allah azza wa jalla dit dans le sens du verset « Chacun de vous y parviendra ». Et les savants ont divergé sur l'explication de ce verset, et les compagnons avant eux ont divergé. Certains compagnons, comme Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, et d'autres disent que c'est ici l'étape du pont et que chacun le traversera. D'autres parmi les compagnons, comme Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, disent que ici chacun y parviendra, c'est-à-dire que chacun traversera l'enfer. Et que pour les croyants, l'enfer sera fraîcheur. Et d'autres savants se sont abstenus de donner une signification ou une interprétation. Quant à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, dans lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce long récit, nous parle des étapes de l'au-delà. Puis il dit, alayhi salatu wassalam, thumma yudrabu al-jisru ala jahannam. Puis le pont sera établi au-dessus de l'enfer. Wa tahillu shafa'a. Et il sera autorisé à procéder à l'intercession. Wa yaquloun, Allahumma sallim sallim. Et ils diront, c'est-à-dire les prophètes et envoyés d'Allah, alayhi salatu wassalam, ils diront ce jour-là, Allahumma sallim sallim, ô Allah, sauve, sauve. Qui traversera ce pont? Ceux qui traverseront ce pont établi au-dessus de l'enfer seront ceux qui auront montré l'islam, ceux qui auront montré de façon apparente leur attachement à l'islam, que leur intérieur soit croyant ou non. Qu'ils soient croyants ou non dans leur fort intérieur. Ceci signifie que ceux qui traverseront le pont seront les musulmans, les croyants, mais également les hypocrites, qui par définition montraient en façade qu'ils étaient musulmans, mais en réalité, ils cachaient en eux la mécréance, wal'iyadu billah. Quant à ceux qui n'ont pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, ils n'auront pas besoin de traverser ce pont, car leur destination sera l'enfer directement, wal'iyadu billah. Comme cela est rapporté dans un hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera à chaque communauté de suivre ce qu'elle adorait, puis ils seront jetés en enfer, wal'iyadu billah. La traversée du pont est donc réservée aux croyants et aux hypocrites. La situation des croyants au moment de la traversée de ce pont. Lorsque les croyants seront placés sur le pont afin de le traverser, viendra un noir complet, des ténèbres sombres. Ainsi, personne ne pourra traverser ce pont sans une lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala donnera à chacun selon les œuvres pieuses qu'il aura accomplies dans cette vie d'ici-bas. Les premiers à traverser, leur lumière sera comme la pleine lune. Leurs visages seront illuminés comme la pleine lune. Et dans un long hadith d'Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que les croyants, les musulmans, ceux qui traverseront ce pont, leur lumière leur sera accordée proportionnellement aux œuvres qu'ils auront, aux œuvres pieuses qu'ils auront accomplies dans cette vie d'ici-bas. Il dit alayhi salatu wassalam, فَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُورَهُ مِثْلَ الْجَبَلِ الْعَظِيمِ. Certains, leur lumière leur sera accordée et éclairera devant eux comme une immense montagne. وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُورَهُ أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكِ. Et d'autres, à qui une lumière plus petite leur sera accordée. وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى مِثْلَ النَّخْلَةِ بِيَمِينِهِ. D'autres, une lumière leur sera accordée qui illuminera de la taille d'un palmier. Et d'autres, à qui l'on accordera une lumière plus petite. Puis il dit, عليه الصلاة والسلام, حَتَّى يَكُونَ آخِرُهُمْ رَجُلًا يُعْطَى نُورَهُ عَلَى إِبْهَامِ قَدَمِهِ. Jusqu'au dernier des hommes, à qui l'on donnera une lumière qui illuminera le gros orteil de son pied. يُضِيءُ مَرَّةً وَيُطْفَأُ مَرَّةً. Parfois, cette lumière s'allumera et parfois elle s'éteindra. فَإِذَا أَضَاءَ قَدَمُهُ قَدَّمْ وَمَشَى وَإِذَا طَفِئَ قَامْ. الله أكبر. Lorsque cette minuscule lumière qui n'illumine que ce qu'il y a devant son gros orteil, lorsque cette lumière infime apparaîtra, il avancera. Et lorsqu'elle disparaîtra, il s'arrêtera. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de cette lumière qui sera donnée aux croyants le jour dernier. Dans Surat al-Hadid, Allah subhanahu wa ta'ala dit « يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ » والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. Mentionne le jour où sur le pont jeté au-dessus de l'enfer, on verra leur lumière cheminer au devant et à la droite des croyants. À la droite des croyants et des croyantes. On leur dira, recevez aujourd'hui la bonne annonce de jardins sous lesquels coulent des rivières et où vous demeurerez éternellement. La vitesse à laquelle les musulmans traverseront ce pont dépendra également des œuvres pieuses qu'ils auront accomplies dans cette vie d'ici-bas. Et que personne ne pense que la traversée de ce pont est simple et aisée. Car l'enfer se trouvera juste en dessous. Et ce pont a pour particularité d'être glissant et d'avoir à ses côtés ou sur ses côtés des crochets qui attrapent, blessent, voire happent les personnes, wal'iyadhu billah. Et le simple fait que ce pont soit établi au-dessus de l'enfer suffit pour comprendre que cette étape est extrêmement périlleuse. Ajoutez à cela le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui se trouvera à proximité du pont, dira « Allahumma sallim sallim »« Oh Allah, sauve, sauve » car cette épreuve sera à la fois terrible et effrayante. Et les gens traverseront ce pont, comme je l'ai dit, selon leurs œuvres. Certains le traverseront rapidement, d'autres tomberont en enfer, wal'iyadhu billah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith d'Abu Huraira, c'est également le hadith de Hudhayfa radiyallahu anhuma, que rapporte l'imam muslim dans son sahih. Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a parlé de l'intercession, il dit notamment « Faya'touna Muhammadan, sallallahu alayhi wa sallam, fayaqoumu fayu'dhanu lah, wa tursalu l'amanatu wal-rahim, fataqoumani janabatay s-sirat, yaminan wa shimala, fayamurru awwalukum kal-barq. » Puis ils iront voir Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il se lèvera, puis l'autorisation lui sera accordée. Puis l'on enverra al-amanatu wal-rahim, le dépôt et le lien de parenté, qui se positionneront de part et d'autre du pont à droite et à gauche. Fayu'maru awwalukum, fayamurru awwalukum kal-barq. Et le premier d'entre vous traversera le pont comme l'éclair. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle ici du dépôt et du lien de parenté qui se positionneront de part et d'autre de ce pont pour montrer l'immense importance de ces deux choses. Et que ce soit le dépôt ou le lien de parenté, ils se positionneront de part et d'autre du pont et témoigneront soit en faveur ou soit à la défaveur, soit à la faveur ou soit à la défaveur. À la faveur des dignes de confiance, concernant le dépôt, il témoignera en faveur du digne de confiance et témoignera contre celui qui aura trahi le dépôt, wal'iyadhu billah. Quant au lien de parenté, il témoignera en faveur de celui qui aura noué ses liens de son vivant et témoignera contre celui qui les aura rompus. Hudhayfa radiyallahu anhu dit, j'ai dit, je sacrifierai pour toi ma mère et mon père, ô envoyé d'Allah. Qu'est-ce qui traverse comme... Que signifie traverser comme l'éclair? قال قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق قال ألم تروا البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين. Ne voyez-vous pas l'éclair comme il apparaît et disparaît en un clin d'œil? ثم كمر الريح. Puis le suivant traversera à la vitesse du vent. ثم كمر الطير. Puis le pont sera traversé à la vitesse de l'oiseau. وشد الرجال. À la vitesse de la course d'un homme rapide. تجري بهم أعمالهم. Leur vitesse dépendra de leurs œuvres. ونبيكم قائم على الصراط يقول ربي ربي سلم سلم. Et votre prophète sera debout au niveau de ce pont et dira ô Seigneur, sauve, sauve. حتى تعجز أعمال العباد. Jusqu'à ce que les œuvres les affaibliront. حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. Jusqu'à ce qu'un homme vienne, ne pouvant avancer qu'en rampant. قال وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكدوس في النار. Puis il dit عليه الصلاة والسلام, et de part et d'autre de ce pont, des crochets qui seront suspendus et qui, à qui on donnera l'ordre d'attraper et de saisir les personnes désignées. Puis il dit عليه الصلاة والسلام, فمخدوش ناج, il y aura des sauvés mais blessés, ومكدوس في النار, et d'autres jetés en enfer, والعياذ بالله. Et dans le hadith d'Abu Sa'id رضي الله عنه, rapporté par Al-Bukhari Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle une nouvelle fois de ce pont en disant: ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة. Puis le pont sera jeté au-dessus de l'enfer et l'intercession pourra commencer. ويقولون اللهم سلم سلم. Ils diront, c'est-à-dire les prophètes et envoyés d'Allah, ô Allah, sauve, sauve. قيل يا رسول الله وما الجسر. Ils ont dit, ô envoyé d'Allah, mais quel est ce pont? فقال عليه الصلاة والسلام ضحد مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك. Il sera glissant. Il y aura des crochets et des épines roncées. تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une image ou une comparaison afin de s'imaginer à quoi pourraient ressembler ces épines qui seront sur les côtés de ce pont. Il dit alayhi salatu wassalam, c'est comme ces ronces qui sont présentes dans la région de neige que l'on appelle As-Sa'dan, qui correspondent à la plante appelée le chardon, qui est une plante épineuse et dont les épines ont une forme particulière. Elles sont épaisses à leur base et fines à leur extrémité. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de la vitesse à laquelle ce pont sera traversé. فَيَمُرُّ الْمُؤْمِنُونَ كَطَرْفِ الْعَيْنِ. Les croyants le traverseront en un clin d'œil, puis comme l'éclair, puis comme le vent, comme l'oiseau, comme les chevaux rapides, comme les chameaux rapides. فَنَاجٍ مُسَلَّمٍ وَمَخْدُوشٌ مُرْسَلٍ وَمَكْدُوسٌ فِي نَارِ جَهَنَّمٍ. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de ces trois catégories. Car ceux qui traverseront le pont ne sortiront pas de ces trois catégories. فَنَاجٍ مُسَلَّمٍ. Il y aura celui qui sera sauvé et exempt de toute blessure. وَمَخْدُوشٌ مُرْسَلٍ. Et il y aura celui qui sera blessé, mais qui sera sauvé. Il traversera ce pont, mais aura subi des blessures. وَمَكْدُوسٌ فِي نَارِ جَهَنَّمِ. Et d'autres qui seront poussés et jetés dans le feu de la Jahannam. Les premiers, le premier parmi les prophètes à traverser le pont sera le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la première communauté à traverser ce pont sera la communauté musulmane. La preuve est le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, rapporté par l'imam al-Bukhari dans son sahih, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُهَا. Et je serai moi et ma communauté les premiers à le traverser. وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُلُ وَدَعْوَ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ. Et ce jour-là, personne ne parlera hormis les prophètes. Et l'invocation des prophètes ce jour-là sera « Ô Allah, sauve, sauve ». Personne ce jour-là ne parlera sauf les prophètes. Ceci nous montre l'intensité des tourments, et notamment l'intensité de la terreur qui envahira les personnes lors de la traversée de ce pont. Une terreur telle que personne ne pourra prononcer ne serait-ce qu'une parole. Personne ne parlera. Ce qui est voulu dans ce hadith, c'est lors de la traversée du pont. Car le jour du jugement, comme l'on l'a vu précédemment, il y a plusieurs occasions dans lesquelles les personnes seront amenées à parler, à débattre les uns avec les autres, à demander les uns au sujet des autres, à se blâmer les uns et les autres, notamment lorsque les suiveurs blâmeront ceux qu'ils ont pris comme exemple. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « وَدَعْوَ الرُّسُلِ يَوْمَ إِذٍ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ » Et l'invocation des prophètes ce jour-là sera « Oh Allah, sauve, sauve !» Ceci de par leur compassion et leur pitié à l'égard de leur communauté alayhimu salatu wassalam. Et comme je l'ai dit précédemment, cette traversée du pont sera effectué par les croyants et ceux qui prétendaient avoir la foi comme les hypocrites. Quant aux hypocrites, ils ne traverseront pas le pont car ce sera leur dernière escale. Leur dernière escale sera l'enfer. Leur dernière escale sera le pont et leur destination finale, le feu de l'enfer. Wal'iyadu billah. Est-ce que le pont sera large ou étroit? Les savants ont divergé à ce sujet et deux avis ressortent. Le premier qui est que le pont est une voie large. Et ils ont pour preuve la signification linguistique du mot as-sirat en arabe qui signifie, comme on l'a vu en préambule, une voie ou un chemin clair et large. Et ils ont pour preuve également la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que le pont est glissant et qu'il y a sur ses côtés des crochets. Et ils disent que le caractère glissant ainsi que la présence des crochets ne peut avoir lieu que dans un pont qui est large. Et le deuxième avis est que ce pont est extrêmement fin. Ils ont pour preuve ce qui est rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim, la parole d'Abu Sa'id radiyallahu ta'ala an, lorsqu'il dit بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف. Il m'a été parvenu que le pont est aussi fin qu'un cheveu et aussi affûté qu'une épée. Et cela est rapporté également du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le musnad de l'imam Ahmad selon Aïcha radiyallahu anha. Cela a également été rapporté dans le mustadrak de l'imam al-Hakim dans lequel il y est stipulé que ce pont sera aussi aiguisé qu'un rasoir. Et l'avis le plus prépondérant, wallahu a'lam, est que le pont sera extrêmement étroit. Car c'est ce qui est rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela ne peut être nié. Cela ne peut être nié. Et l'imam al-Qurtubi, rahimahullah, a dit en réponse au premier avis, et pour soutenir le deuxième avis, que le pont est effectivement extrêmement étroit, il dit, rahimahullah, dans son livre Tadhkira, القادر على إمساك الطير في الهواء قادر على أن يمسك عليه أن يمسك عليه المؤمن. Celui qui est capable de faire tenir un oiseau dans les airs est capable également de faire en sorte qu'un croyant reste au-dessus de ce pont. فيجريه أو يمشيه. Il peut le faire courir ou le faire marcher sur ce pont. Autrement dit, même s'il est extrêmement fin. وَلَا يُعْدَلُ عَنِ الْحَقِيقَةِ إِلَى الْمَجَازِ إِلَّا عِنْدَ الْإِسْتِحَالَةِ. Il n'y a pas lieu de chercher une interprétation lorsque l'impossibilité est avérée. Car il n'y a pas d'impossibilité dans cela. Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses. Et le fait que ce pont soit aussi fin qu'un cheveu et aussi tranchant qu'un rasoir est rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc, wallahu a'lam, l'avis le plus prépondérant, car le premier avis ne se base que sur le sens linguistique du mot as-sirat. Wallahu a'lam. Et l'imam al-Qurtubi, toujours dans son livre At-Tadhkira, et le nom complet de son livre est At-Tadhkira bi ahwal al-mawta wa umur al-akhirah. Un livre important que l'imam al-Qurtubi rahimahullah a écrit, dans lequel il décrit les étapes, notamment de l'au-delà, mais parle également d'autres sujets dans son livre, mais parle beaucoup justement des étapes de l'au-delà, de la mort jusqu'à l'entrée au paradis ou en enfer. Après avoir traité le chapitre du pont, il dit, rahimahullah ta'ala, en guise de résumé et aussi en guise d'exhortation, il dit, rahimahullah, et je traduis directement en français, réfléchis maintenant à cette sensation de terreur qui t'envahira lorsque ton regard sera porté sur le pont et sa finesse. Puis lorsque tu fixeras l'enfer sous tes pieds, tu entendras les cris affreux émanés du feu, de même que tu entendras la fureur de l'enfer. Réfléchis à ce jour où tu devras traverser ce pont malgré ta faiblesse, malgré un cœur déstabilisé, des pieds instables et un dos alourdi par le poids des péchés, une situation telle qu'il te serait impossible de marcher sur une terre ferme, que dire de traverser un pont aussi fin? Quelle sera ta situation lorsque tu devras poser ton pied et sentir le tranchant du pont, puis de devoir poser le second pied? Comment seras-tu lorsque tu verras les gens devant toi glisser, être happé et saisi par ces crochets? Quel sera ton état en voyant les gens plonger en enfer la tête la première? Quelle vision effrayante et quelle traversée difficile! Ainsi sera la traversée de ce pont. Puis viendra une autre étape, qui est l'étape de la passerelle, qui se situe entre le paradis et l'enfer. Les croyants s'arrêteront donc sur une passerelle qui est placée entre le paradis et l'enfer. Et cette passerelle est exclusivement réservée aux croyants qui auront réussi la traversée du pont. Ils seront immobilisés sur cette passerelle afin que chacun prenne son dû vis-à-vis de l'autre. Ceci dans le but de purifier les âmes et d'ôter toute rancœur et toute jalousie dans le cœur des croyants. C'est une sorte de purification, de nettoyage, de dernier jugement entre les différentes injustices qu'il y a eu entre les croyants eux-mêmes. Ceci avant d'entrer au paradis. Ils seront donc purifiés de toute imperfection. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de cette purification dans son noble livre, lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala wa naza'na ma fi sudurihim min ghill tajri min tahtihim al-anhar wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha. En sourate Al-A'raf, le verset 43, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens: nous retirerons toute rancœur de leur cœur. Des rivières couleront à leurs pieds et ils diront louange à Allah qui nous a guidés vers ceci. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a parlé de cette passerelle, comme le rapporte l'imam al-Bukhari dans son sahih. Toujours selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, il dit alayhi salatu wassalam: yakhlusu al-mu'minuna min an-nari fayuhbasuna ala qantaratin bayna al-jannati wan-nar. Lorsque les croyants seront délivrés de l'enfer, c'est-à-dire lorsqu'ils auront traversé le pont, car ne traversent le pont que ceux qui iront au paradis. Celui qui aura traversé le pont ne pourra aller en enfer, comme l'ont expliqué un certain nombre de savants, comme l'imam al-Qurtubi, l'imam al-Qayyim également, rahimahumullah ta'ala, car une interrogation peut se poser, à savoir que sur cette passerelle, lorsque les injustices seront réglées entre les croyants et que chacun prendra son dû, et lorsque justice sera faite pour chacun, y a-t-il une possibilité que des croyants puissent aller en enfer? La réponse est non, comme l'ont dit un certain nombre de savants, car ils ont traversé le pont. Or, celui qui traverse le pont n'a d'autre destinée, et qu'Allah Azzawajal nous l'accorde à tous, n'a d'autre destinée que le paradis. Et ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une preuve également, car le prophète alayhi salatu wa sallam commence ce hadith en disant « Yakhlusul mu'minuna minan nar » Les croyants seront délivrés de l'enfer. « Fayuhbasuna ala qantaratin bayna al-jannati wa nar » Ils seront immobilisés sur une passerelle entre le paradis et l'enfer. Fayuqassu li ba'dihim min ba'd madhalimu kanat baynahum fi ad-dunya. Ils régleront les méfaits qu'ils auront commis auparavant les uns contre les autres. Hatta idha hudhibu wa nuqqu jusqu'à ce qu'ils règlent leurs comptes et qu'ils seront purifiés. Udhina lahum fi dukhulil jannah. On leur permettra alors d'entrer au paradis. Puis le prophète alayhi salatu wassalam dit: Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih. Je jure par celui qui détient l'âme de Muhammad dans sa main. La ahaduhum ahda bimanzilihi fil jannah minhu bimanzilihi kana fid dunya. Allahu akbar. Chacun d'eux trouvera plus facilement sa place dans le paradis qu'il ne trouve le chemin de sa demeure d'ici-bas. Qu'Allah nous accorde à tous et à toutes l'entrée au paradis. Ceci est donc la dernière étape avant l'entrée dans la demeure éternelle. La demeure qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparée et réservée pour ses croyants. Une demeure, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Il est au paradis tout ce que les âmes désirent et dont les yeux se délectent. Vous y demeurerez éternellement. Un paradis dans lequel ils resteront éternellement. Un paradis dans lequel le prophète sallallahu alayhi, au sujet duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle en relatant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est donc un hadith qudusi. A'dadtu li'ibadi s-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. J'ai préparé pour mes serviteurs vertueux ce que nul œil n'a vu, ce que nulle oreille n'a entendu et ce que nul cœur humain n'a imaginé. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Faqra'u in shi'tum » Lisez si vous voulez la parole d'Allah Azza wa Jal « Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun » Nul ne sait tout ce qui leur est dissimulé comme réjouissance. Personne ne connaît la réalité du paradis et tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala y a réservé, préparé comme jouissance, réjouissance, plaisir. Nul ne connaît la réalité de ces choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi se termine cette série sur les étapes de l'au-delà, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de récompenser tous ceux qui ont participé à l'écoute et qui ont profité de cette série de cours. Quant aux demeures éternelles, à savoir le paradis et l'enfer, ce sera le sujet d'une autre série, Inch'Allah Ta'ala, qui aura pour titre le paradis et l'enfer, car il y a énormément de choses à dire, que ce soit sur le paradis, que ce soit sur l'enfer, et ceci mérite que l'on y consacre une série entièrement dédié. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما جهلنا. Demande à Allah عز وجل de nous accorder la compréhension de sa religion et de nous enseigner ce que nous ignorons. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver des tourments du jour dernier et de nous faciliter ces étapes que l'on devra traverser et surmonter les unes après les autres. Le croyant qui prend connaissance de toutes ces étapes doit avoir maintenant la certitude que ce n'est pas une chose aisée, que d'entrer au paradis n'est pas une chose simple. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Ala inna sil'ata Allah al-jannah, ala inna sil'ata Allah al-ghaliya. » La marchandise d'Allah est chère, la marchandise d'Allah est le paradis. Que personne ne pense qu'il est simple et aisé d'entrer au paradis. Cela demande d'œuvrer dans cette vie d'ici-bas, de son vivant, de vivre musulman, de mourir musulman, de traverser l'épreuve de la tombe, lorsque le croyant sera questionné sur sa religion, sur son Seigneur, sur son prophète, puis la résurrection, puis l'attente, puis l'intercession, et ainsi de suite, toutes les étapes que devront traverser les croyants jusqu'à cette étape extrêmement difficile et périlleuse qui est la traversée du pont. Qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite à tous cette traversée, que chacun devra traverser de gré ou de force. Et même après cette traversée, il y aura encore l'étape de la purification. Et ce n'est que par la suite qu'il pourra entrer au paradis. Et l'on verra justement dans les cours sur le paradis et l'enfer qu'il faut une autorisation avant d'entrer au paradis. Et que les portes du paradis seront d'abord ouvertes à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que le gardien du paradis dira: c'est à toi qu'il m'a été ordonné d'ouvrir et à personne d'autre avant toi. هذا ما تيسر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.